boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, les habitués de Pop and Rock sur la trail locale RVR... Les quoi ? Je disais les habitués au nombre de 3. Ah, ceux-là ! Je disais donc, ce soir, votre Pop and Rock aura un son un petit peu différent des autres. Ou pas ? We'll be right back. Ouais, ce soir, Pop & Rock a gratté non pas dans sa bibliothèque musicale, ni dans ses sites préférés pour trouver des nouveautés. Ce soir, ce sera plus roulette russe, ouais, mais sans les Lords of the New Church, mais notamment avec U2. Where the passion is hate, blooming thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street, worst things in the world that justify my belief. Registration 1385W's there. Raised by Wolves, issu d'un album de U2 que je n'écoute pas, comme d'ailleurs je n'écoute pas non plus l'album de Cure duquel j'extrais The Wish Impossible Things. Thank you. En fait... Oh, tu parles d'une fête ! Ouais, oh, je disais, en fait... Merci la voix off. Donc en fait, tout est parti de mon écoute du nouveau Warpaint Common Blue qui a lancé une playlist avec pas mal de trucs que je ne connaissais pas mais qui résonnaient bien, comme le Grave Pleasure qui a ouvert ce 263e Pop and Rock. Mais tout a donc commencé avec Common Blue, nouveau titre des filles de Warpaint. Consequences on my chin, I feel Dans cette playlist initiée par Warpaint, j'ai trouvé des groupes et artistes que je ne connaissais pas et qui vont pourtant arriver dans notre programmation de ce soir. Mais j'ai aussi trouvé un titre d'un vieux pote qui vient de sortir en janvier 2024 son nouvel album. On laisse donc la place au Frank Carter et ses Crotal. I lost my family, I lost my friends, I lost my money, and I lost my sense. I lost my faith, and I lost my hope. All the things I built, I went and fucking broke. I lost myself. And I lost my mind, I lost my patience, and I don't know why. My dignity, integrity, my way of acting sensibly, my rationale and peace, I lost my silence and my sleep. Yeah, we've all lost someone. Yeah, they're gone for good. Yeah, it's fucking lonely. Yeah, we all die too. I lost my reason, and I lost my rhyme. I lost the season, and I lost the time. And I lost the day. I watched my nights all slip away. I lost my lover. I lost my wife. I lost the purpose of my whole life. My dignity, integrity, my way of acting sensibly, rationale and peace. I lost my silence and my sleep. Yeah, we've all lost someone. Yeah, they're gone for good. Yeah, it's fucking lonely. Yeah, we all died too. Donc oui, ce soir, nous laissons la place à des groupes que je ne connaissais pas. On enchaîne dans l'ordre Joe Bell et Simon Neil pour revenir ensuite en Nota Terra. Lullaby should I sing? What little sign could I give to your heart? What lullaby should I sing? What little word? What lullaby should I sing? So you finally find all the peace you were looking for. What little sign could I give to your heart so you now trust in me like you did before? What lullaby should I sing? What little sign do you need to be sure? What lullaby should I sing, and would it change a thing? See, I'm trying to be strong, singing this song with tears in my eyes. Made it at night after the fight, with tears in my eyes. The song that I wrote was made with my hope and faith in our love. Now help me find it, tell me what lullaby should I sing? What little sign do you need to be sure? What lullaby should I sing? And will it change a thing? What lullaby should I sing? So you finally find all the peace you were looking for. What little sign do you need? So you know, so you know. You know, you know, you see, I'm trying to be strong, singing this song with tears in my eyes. Made it at night after the fight with tears in my eyes. The song that I wrote was made with my hope and faith in the love. Now help me finally see, I'm trying to be strong, singing this song with tears in my eyes. The song that I wrote was made with my hope and faith in the Lord. Oh, oh, now help me finally tell me. Help me finally tell me. Help me finally tell me. Now help me finally tell me. En 104.6 en train d'écouter Pop and Rock sur la très locale RVR et continuons nos découvertes. Enfin découvertes, l'artiste vous ne le connaissez pas, mais le titre je crois bien qu'il va vous dire quelque chose. Yeah. Touching me, all these things. Et ouais, je viens de programmer deux Radiohead de suite, Nida. Alors pour me rattraper, vous allez prendre en pleine face Master Freak, nouveau titre enfin de Raskolnikov. Master Freak, le nouveau titre qui vient de sortir de Raskolnikov, le groupe franco-suisso-espagnol, qui en plus, pour la petite histoire, a tourné la plus grande partie de leur clip dans la Loire, et plus précisément autour de Rouen. Ouais, on y était, on en a profité, ce fut un merveilleux week-end. Mais bon, revenons à l'essentiel, poursuivons notre programme avec tout de suite le détonnant de Most Beautiful Girl de Data Rock. We'll be right back. Après ce pop and rock fait de plein de découvertes, finalement des groupes qui sont certainement connus mais que moi j'ai découvert avec vous ce soir, il est bientôt l'heure de se quitter et dans ce cas-là, j'aime bien faire appel au père du rock grunge, voici Bob Mould. This love thy neighbor thing, does it apply to all mankind? Or only those who fit neatly inside your narrow lines? I see your sheep, they are straying from the field, they're heading to the sea. I hope you capture them well before the flood. The well is filled with blood while the earth is burning. sing Rapture in the sky, for hypocrites can fly. What will we do? The forecast of rain, your 40 days of rain. Would this be blasphemy? When you're a star, you can do what you want. Words on the skyline, buildings will fall, you'll pay for it all. My truth is different than your distortions and disguised interpretations, twisting the words of ancient times. Riot, blood, thunder, what will we do today? With the forecast of a rain, I am the lightning, I race across the sky, the voltage passing by. I am the vapor that comes in from the bay, it wraps around all day. What will we do? The forecast of a rain, the forecast of a rain. Ok, ok, si vous nous écoutez de temps en temps, vous avez dû vous dire que cette version n'était pas la version habituelle. Ne vous en faites pas, je vais vous l'envoyer à présent. Mais avant tout, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et comme toujours, bon vent à tous.